Salut, salut, salut, comme tous les dimanches, votre rendez-vous rock, punk, musiques expérimentales diverses et variées. C'est donc Lost in Space sur les ondes du 100 FM à Toulon et sur le radio-actif.net partout ailleurs dans le monde. Et on revient à une grande thématique. On avait commencé une émission il y a quelques semaines avec l'ami Dominique Psychédélique où on parlait du rock français. On avait fait un principe de faire une émission un peu historique et de redescendre le fil du temps et le cours de l'eau pour attaquer tout ça. Et aujourd'hui, eh bien, on se rapproche en fait de la fin des années 70 et de l'époque qui me semble la plus intéressante, l'époque du punk français, c'est-à-dire que nous allons commencer aujourd'hui avec Little Bob Story et finir sur les Rita Mitsuko qui n'ont quasiment rien de punk, mais bon, c'est pas le débat. Et entre-temps, on va écouter vraiment plein de morceaux, vous dire ce qu'on en pense, et c'est parti. Alors, on n'arrive pas loin du punk, un dernier groupe quand même situé, parce que je vous respecte, hein. Bon, j'écoute plus les disques, mais c'est Little Bob Story. Il y a quand même Little Piazza, c'est quand même un personnage incontournable du rock français, c'est une culture, ce mec a une culture phénoménale du rock, mais... que ce soit des origines jusqu'au punk rock qu'il adore. Il adore les Damned par exemple, et sa femme de Motorhead. Voilà, il dort pas loin de 80 balais maintenant, je sais plus quel âge qu'il a, mais bon, il continue à tourner, il me semble. Et Little Bob Story dans les années 70 qui faisait un rock un peu à part, hein, qui remettait au goût du jour le rock. Ça a été assez médiatisé par la presse de l'époque, hein. Rock et Folk, Best, qui disait tiens, il y a un retour du rock, hein. Voilà. Do you know? C'est vrai que c'était quand même aussi en parallèle avec ce que faisaient les Anglais, le retour du, enfin le pub rock avec les Dr. Feelgood, oui, et ce genre de choses. Donc il n'y avait pas de. Moi, l'impression que j'en ai quand même, c'est qu'à chaque fois, on suit en fait les modes. Le rock français suit les modes en fait, et on retrouve des groupes qui sont dans l'air du temps en fait à chaque fois, parce qu'il y a des Anglais ou des Américains qui font sensiblement la même chose, mais assez rarement des novateurs en fait, ou des pionniers. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Bah, à part la scène qu'on a dit, années 70 qui est underground, que donc on rappelle les noms: Red Noise, Gong, un peu Magma, Tronf, Le Blanc, tous ces groupes là qu'on mis leurs pattes. Après, c'est vrai que le problème du rock français, il a été un peu trop suiviste, un peu trop suivi les modes de l'époque, ça c'est certain, hein, je pense. Alors, le punk, bon, bah, il y a la figure de Mark Zermati, hein, qui commence avec ses potes à mettre un magasin là, à Paris. Il fait venir toute sa bande là, il y a Patrick Deligne, Philippe Manœuvre, Yves Adrien, tous les rock critiques punk des années 70. Parce que il y en a qui critiquent Philippe Manœuvre, Patrick Deligne, on peut les critiquer maintenant en 2021, je suis le premier à les critiquer, mais à l'époque non. C'est les premiers à avoir allumé la mèche, quoi. D'ailleurs, les premiers, les mecs à parler des New York Dolls, de Diggy et compagnie, donc ils sont respectables dans les années 70, hein, parce que, bon, voilà, ils ont dit des conneries. Par exemple, j'ai jamais compris pourquoi les deux compères, là, Manœuvre et Deligne, n'aimaient pas les Ramones ou les Dead Kennedys, tu vois, bon, ça c'est sûr. Enfin, bon, ils ont quand même lancé la mèche dans les années 70, donc à ce niveau, ils sont, et quelques autres aussi, comme rock critique, ils sont quand même respectables. C'était Blast, qui était vraiment le journal ultra punk de l'époque. Quand Rock et Folk, c'était encore, ils mettaient en couverture Genesis. Blast, ils avaient des posters de Lemmy et de Sid Vicious. Voilà, la différence, elle était là. Hein. Donc le punk, bon, il y a plusieurs groupes. Hein, bah, en parlant de rock critique, Patrick Deligne, il y a Sven Jungle. Moi, j'aime beaucoup le single Polymagou. Bon, après, le reste de l'album, terrible. Deligne, on le voyait railler, mais bon, un peu limité, moi, je pense, personnellement. Mais... Yeah. trempé, malheureux, un peu trop speed. Pas comme elle, plus de blé, aucun plan en smack. Rien que la nuit et ses portes fermées. Chacun dans son trou et le trou pour tous. Le cœur en lambeaux qui ne bat pour personne. Rien sur la nuque et tes dents qui cognent. Les gens de cicatrices qui ne s'oublient pas. Remaquille. Ouais, pour mieux, pas de plus vite. Alors bon, je suis surpris quand même que tu n'aies pas attaqué le truc de punk avec ce qui me semble être le... Alors, typiquement pour des raisons novatrices comme on disait, mais Metal Urbain qui est quand même le premier groupe à être signé chez Rough Trade en fait. Et avant même Asphalt Jungle, c'est ici, il y a bien un exemple. Non? Oui, là, pour Metal Urbain, mais évidemment, j'allais en parler de Metal Urbain. Bon, mais ils arrivent à peu près, ils se connaissent tous. Parce qu'il faut d'abord dire que le punk rock, il est surtout un truc parisien dans 77-78. En province, on écoute encore Led Zepp, Genesis, des trucs comme ça. rose, sa gueule. Rouge, rouge, rouge et noir. Poupée dégonflée. On va écouter ça durant des années d'ailleurs. Je suis pas complètement d'accord avec toi parce qu'en fait, à la même époque, tu as la scène de Rouen avec les Olivenstein qui sont un des meilleurs groupes. Tu as la scène lyonnaise aussi. Désolé de revenir là-dessus avec Marie et les garçons et Star Shooter. Donc contrairement à ce que tu dis, c'est pas quelque chose d'exclusivement parisien en fait. Je rattrape mon truc. C'est que d'ailleurs, moi je parle de là où j'habitais à Avignon, tu vois. Bon, même s'il y a eu des choses, mais dans la province profonde, on va dire, ça ne veut rien dire la province profonde, hein. Mais il y avait encore, à part les grandes villes où ça bougeait, tu as raison de le dire, Lyon avec Star Shooter, Rouen avec les Dogs, Lyon aussi avec Marie et les garçons, tu as dû connaître ça, ouais. C'était petit à l'époque, mais bon. Non, dans les grandes métropoles, oui, ça bougeait. Mais après, bon, à Paris, les grandes métropoles, mais après, dans les petites villes de province, c'était encore à l'ancienne. Je veux dire, c'était encore très ceux qui écoutaient du rock. C'était pas le punk, n'était pas venu. Moi, je sais qu'à Avignon, quand tu parlais même du punk au début des années 80, t'étais vu comme quelqu'un qui était, je le disais tout à l'heure, comme quelqu'un qui écoutait du bruit. Tu vois, c'était vraiment marginal, même au début des années 80. Hein, voilà. Après, à milieu des années 80, ça a commencé à un peu bouger. Mais je parle vraiment des débuts des années 80. Oui, alors. I really don't care. It doesn't Urbain, évidemment, pour moi c'est le plus grand groupe de punk français, enfin, personnellement, parce qu'ils étaient ultra innovateurs. Déjà des guitares à la Stooge bien chantes, des attaques au synthé par One Suicide, voire même de Throbbing Crystal, pardon. Yellow Biafra, les adultes, hein, ils ont une cote auprès des groupes punk américains. Hein, d'ailleurs, ils ont fait des concerts quand ils se sont reformés. Et tous les punks américains, il paraîtrait que Steve Albini, ça c'est mon ami Philippe Petit qui me l'a raconté de Marseille, se serait prosterné devant Éric Débris, un des membres de Metal Urbain. Moi je veux dire, Metal Urbain, oui, c'était. En plus, c'était les plus violents, hein, c'était les. Au niveau musical, c'était les. Pour moi, c'est le groupe de. Un des plus violents que je connaisse, même à l'époque, hein, dans les années 70, c'était même plus violent que les Sex Pistols. Alors, pour renchérir là-dessus, il y a quelques années, il y a Yellow Biafra qui est venu en France faire des concerts régulièrement, et à l'époque, je le tiens par le type même du label qui s'appelait David Fakrikian, qui avait 17 Records et qui avait ressorti tous les métals urbains de l'époque, et avait passé une journée, en fait, à aller refaire tous les magasins de disques pour trouver les originaux. Il avait récupéré tous les trucs, et en fait, Yellow Biafra a une culture de la scène punk française, que même meilleure que la plupart des punks français d'ailleurs. Ouais. Voilà. Donc il est vraiment un grand collectionneur, et il connaît plein de trucs, et il échange volontiers des disques rares qu'il a lui avec des disques français, quoi. Donc alors, ce qui est intéressant dans le punk rock français, c'est qu'ils ont tous c'est assez divers. T'as les groupes ultra violents comme Metal Urbain, tu vois. T'as Marie et les garçons, qui en plus, qui annoncent un peu un délire post-punk, même. Ils ont une image un peu un télo à la Talking Heads et d'étudiants bien sages, entre guillemets, hein. Tu vois, ils sont vraiment influencés par New York. D'ailleurs, ils avaient, pour leur premier album, ils avaient le choix entre l'enregistrer intégralement en France en studio ou ne faire que deux morceaux enregistrés par John Cale à New York et de faire le reste en live. Ils ont choisi la deuxième solution, quoi. D'accord. Puis t'as des groupes un peu dandy comme Sticking Toys, premier album qui est pas mal, et puis Jacques Lowe, j'aime beaucoup le personnage. Avec Eddie Medeiros, la sexy Eddie Medeiros. Hein. Alors eux, ils étaient plus. C'était dans Disney. Puis t'avais les Junkies. Le groupe Junkies, c'est Asphalt Jungle. Ils sont tous morts d'ailleurs, à part de nous, ils survivent, on sait pas comment d'ailleurs. Voilà, toi, donc c'était une galaxie assez diverse. Cérémonial des prénoms. Allons-y pour les prénoms. Jacques-Naud. Albin. Prénom très chic. Hervé, qui dit formidablement bien son nom. Bruno et. Ellie qui est, je crois, uruguayenne. Oui, c'est ça. Ellie, il faudrait, mais peut-être très vite, raconter comment vous vous êtes rencontrés. On s'est rencontrés au lycée. Quel lycée? Victor Hugo et Charlemagne. Et alors, c'était une bonne ambiance? Oui, on était tous sous, c'était bien. Tous sous? Complètement, oui. Et le groupe, le nom du groupe, la Stinky Toys, ça veut dire exactement quoi? Toys, c'est jouets, et Stinky? Ouais, c'est puant. Des jouets puants? Oui. La chanson? C'est Plastic Faces. Plastic Faces, les Stinky Toys. Alors, Toys. Ces images de folie. C'est aujourd'hui sur Antenne 2, le Blue Jeans numéro 3. Et maintenant, en compagnie d'Elie, je vais vous demander d'applaudir pendant 5 secondes si vous préférez qualifier donc pour ce Blue Jeans en or, cette finale, le groupe des Stinky Toys. Top, c'est parti pour 5 secondes. Merci. Quelque part dans un studio assez loin dans le calme se trouve Gérard. Gérard, j'espère que le compte est fait. Et qu'en conséquence, on va savoir qui d'Odyssée ou de Stinky Toys va être qualifié, va l'emporter. Mon cher Gérard. Alors, Odyssée, 90. C'est bien, oui. Stinky Toys, 70. En conséquence, Native New Yorker qualifié pour la finale du Blue Jean Or. Que voulez-vous que je vous dise? Si vous êtes groupe, vous nous écrivez. Dans le punk français 77, c'était là certain qu'il est critique, il y a quand même de belles choses. Hein. Il y a évidemment un des plus grands groupes, tu les as cités, Olli Weinstein. Olli Weinstein, ça c'est vraiment les paroles, il faut voir ce que c'est. euthanasie papy, euthanasie mamie, c'est ça, c'est, ça. Ça pourrait plus sortir dans le actuellement. Tu vois ce que je veux dire? Avec la cancel culture actuelle, je me demande si les Olive Eichstein pourraient sortir. Oui, il y avait vraiment un côté provocateur. Hein. Ouais, avec leur morceau Patrick Henry est innocent, ouais, à l'époque. Pour ceux qui n'ont pas connu, Patrick Henry, c'était un tueur en série, ouais, accusé d'avoir violé et tué des petits garçons. Et il chantait Patrick Henry est innocent. Il y avait aussi un autre groupe à l'époque dont j'ai oublié. Non, je pense pas que c'était les Olive Eichstein ou Anne, qui chantait Pétain d'Arlan, c'était le bon temps aussi dans le genre provocation. C'est Olive Eichstein aussi. Hein. Mais alors, dans un autre. J'en ai parlé au chanteur, j'en avais parlé de cette polémique où il disait ça. C'était l'attitude punk, c'était pour, par pure provocation. Parce qu'à l'époque, le punk, il, malheureusement, portait des croix gammées. Ça m'a choqué, évidemment. Mais c'était juste pour emmerder les bourgeois. j'en crois pas. On va leur oublier quand même, les Dogs. Les Dogs, c'est à Canon, c'est véritablement la vague punk. Parce qu'ils sont dans le revival rock des années 70. On les met avec Little Bob Story, etc. Mais les Dogs, ils annoncent vraiment, ils ont déjà une attitude. Les premières photos des Dogs, faut pas oublier, ça on dirait les New York Dolls. Voilà, puis les Dogs, la Wannabe Hard Dog, ben, tu vois l'affiliation aussi. Hein, c'est, voilà. Et leur titre de leur album, d'ailleurs, ils en avaient bien conscience qu'ils étaient un peu perdus par rapport à tout le reste. C'était Too Much Class for the Neighborhood. Oui, tout à fait. Pour ceux qui ne parlent pas bien anglais ou qui ne comprennent pas mon accent, ouais. Ça veut dire qu'ils ont, ils avaient trop la classe par rapport à leur voisinage, et donc ils étaient un peu des extraterrestres aussi. Et des gens de Rouen, d'ailleurs. Tout à fait. J'ai m'a claqué sa porte au nez. Ses parents me prêtent pour un sauvage. Je ne peux même pas approcher. Pamela m'a donné son accord. Ce soir je lui téléphone. Mais au bout du fil, quelle horreur. C'est la voix du répondeur. Penché à ma fenêtre sur la ville endormie, je suis tout seul pour cette surprise partie. Il bat de plus en plus fort, non, ce cœur n'est pas mort. Il bat de plus en plus fort. piqué par une araignée en faisant ses devoirs. Depuis, je reste enfermé, refuse de me voir. Penché à ma fenêtre sur la ville endormie, je suis tout seul pour cette surprise partie. Ton cœur bat ton corps, il bat de plus en plus fort, non, ce que n'est pas mort. punk 77 qui nous est cher, a été un groupe de Lyon, il me semble. Alors assez glam punk, c'est Electric Callas. Kill Me To Time. Et d'ailleurs, je suis ami sur Facebook avec le chanteur. Avec Jean-Gilles. Ouais. Bon, enfin, je suis ami, entre guillemets, hein, bien sûr. Et très branché, David Bowie, tout ça, Iggy. Il avait une démarche un peu glam. Voilà. Encore un groupe qui avait une autre image. Hein. Pas celle junkie de Alpha Jungle, celle stoogienne de Metal Urbain, voilà, pour montrer la galaxie du punk français en 77. Girl. Girl. Girl. Voici le groupe Electric Callas. We'll be right back. Bon, on doit en oublier, évidemment. Ah, il y a aussi mon vieil ami Ossan, qui faisait les Messaggero Killer Boys, voilà, à la fin des années 70-80. C'est à ce que ça a déjà les années, un peu les années 80 quand même, non? Oui, ça a commencé en 77 en fait. Ah oui, d'accord, ok. Ils ont commencé à Toulouse et après les albums sont sortis. Les albums sont sortis quand il a fini par monter à Paris. Le premier groupe s'appelait DDP, ça voulait dire de la destruction pure. Et après, effectivement, il a commencé donc par faire des bouquins et des recueils de poésie. Et c'est en montant à Paris pour faire ses études de cinéma. Parce qu'après, il a fait plein de films et continue d'être considéré comme le cinéaste punk français. Ouais. Et après, donc, Messaggero Killer Boys, on appelle aussi MKB, qui ont effectivement plus. Les albums sont sortis, mais début 80, ouais. Oui, d'ailleurs, moi j'ai découvert ces groupes, mais d'abord j'ai découvert ces films au début des années 90 à Ossang, et après j'ai découvert ces groupes. Bon, c'est vrai qu'il en a fait pas mal. And now, this is Dada Rock'n'Roll Guerrilla. Toujours quand la nuit tombe, mais très vite, la nuit m'excite. Elle m'emporte vers la ronde des filles et de l'alcool. Alors je commence à devenir fou. J'adore. Ravi d'être soustrait aux ramures tentaculaires du sommeil. J'ai toujours eu peur de dormir. Pas que je sois insomniaque, non. Impossible de se coucher. Je déteste la nuit et pourtant j'y tourne. Un plissement d'aile me chiffonne l'intérieur. Je ne combine rien, j'ai des ambitions. L'âme est vague, pas de quoi en tirer gloire. Grande passion déçue, le vécu déraille, on imagine le reste. À peine une texture surgit de la chair qui vous attire vers en bas sans qu'on puisse descendre. C'est con de viser le ciel sans rien voir, cause qu'on est trop roide pour descendre. De la tête fut toujours roide. Tendre l'âme est cassée dans le corps. Le nord, le jour, le soleil le soir. Il est trahi, il est tard, je n'irai pas dormir, il n'y a rien à faire dans le noir. Sauf une fille dans l'ombre. La glace dans les îles, un peu de neige sous les paupières. Le ciel est noir sans cristaux, la terre est morte sans promesses. Nous sommes tristes, la lune ne compte plus. Ah, je ris de nous voir royaux en ces temps serviles. Je ris de nous voir misérables en si riche temps, car les temps sont riches, ne vous déplaisent. On vise juste, on frappe fort, on rate tout. C'est inutile, disent-elles, c'est insensé qu'ils appuient. C'est anormal, j'ai récité, mais c'est ainsi. Libres nous fûmes, otages nous sommes. C'est absurde, c'est bien, c'est mal, c'est fort, c'est un sort à défaut d'un destin. Mais c'est ennuyeux. I want you to be a king. Sauf que c'est nous qu'on s'en sort. On crut qu'on avait tout faux. Les jours furent sombres, la lune incertaine. Les sorcières ne savaient plus comment devenir salopes. L'alcool ne valait plus l'abîme. On ne voulait plus se coucher pour les soins d'une poudre. Mais des amants attendaient au seuil orange des âmes. Cerveau roi, rien n'importe. Je suis mimé tous les défis en jeu. Le soleil tombe, les sorcières tournent en poufiasse. Le reste est simple, comme nous aspirons l'être un jour. Quand enfin nous pourrons dire qu'on vient d'une terre enfermée dans la terre, une terre enfermée dans la nuit. Je ne sais que dire. Un plissement d'aile me chiffonne l'intérieur. Ou sur un baiser à The Big Kiss Smack. Un, deux, trois, quatre. La chance et le malheur pour nos amis d'être des morts. Comme disent les Français, all my fucking friends are fucking. le temps passe vite, trop vite, une heure quinze, dont on approche, on dirait que les choses, maintenant c'est fini, notre monde s'effondre, bien qu'un, on dirait que la machine s'est grippée dans la terreur, bien que le miracle, c'est comme une bête traquée, que je voudrais crier, sans que l'inconnu n'entende. Car il n'y a plus ni secours ni pitié, c'est la loi des fantômes. Comme disent les Français, all my fucking friends are fucking dead. Les serpents sous la langue, l'œil rempli d'ordures, revenus de tes outrages. Des carrés tout dans le cœur et l'âme trempée de fleurs de lèvres. Chaque soir je m'égorge, enfin chaque soir, c'est la loi des fantômes. Comme disent les Français. Traverse la nuit, ressuscite à l'aube. La mémoire vide et la cervelle pleine de reptiles. Hébété dans la plus longue gorge d'alcool. Hébété dans le jeu de sa moiteur des dépourris. Mes amis sont des morts. Je traverse la nuit, ressuscite à l'aube. La mémoire vide et la cervelle pleine de reptiles. Notre monde s'est rendu. Recommencez la pointe, face ou néfaste, au diable et à Dieu, au diable et à Dieu. All my fucking friends are fucking dead. Alors, il y avait à trois dans les WC aussi. Alors, est-ce que c'est lié au sang? Absolument pas. C'était autre chose. C'est complètement différent. C'était un post-punk bizarroïde de l'époque. Bah, il y avait des groupes comme ça, à trois dans les WC, où il y avait Extrabal aussi, qui faisait oui. Ne capitalise pas ma personnalité. Enfin, des trucs qui étaient un peu entre les deux, un peu rock, mais un peu variette. Donc, on en a eu beaucoup des comme ça, mais qui pas forcément très intéressant avec le recul. Oui, c'est sûr. Ben, il y avait des... Bon, on pourrait mettre aussi... alors ça, on est des début des années 80, mais moi, j'aime bien le titre de Patrick Coutin, J'aimerais regarder les filles, parce que c'est un truc un peu stoogien qui fait danser, c'est incroyable. Clairement. Et ça touchait un peu la variété, entre guillemets. Ce qui fait été... toujours danser maintenant. D'ailleurs. Et d'ailleurs, ça a été un gros succès en 81, quand c'est sorti. Hein. Écrit par un rock critique, d'ailleurs, Patrick Coutin, que je respecte, fan de reggae, d'ailleurs, aussi. Et fan d'hip-hop, voilà. Bon, voilà, il y a cette période là, et puis puisque tu parles, on y est, hein. Come on.

sensations.